Je suis le roi du pire tout pire, je télécharge tout ce qui passe, même ce qui est gratuit, des fois que ça augmente. On ne sait jamais, je suis prudent avec les nouvelles lois qui passent. Je me suis fait un gros stock pour tout l'hiver, je suis prévenant. Et puis je trouve ça louche de la musique sans la payer. J'ai peur de voir l'huissier venir chez moi un beau matin, me réclamer du fric sous prétexte que j'ai downloadé sur un site internet un truc gratos que je trouvais bien. Je suis le roi du pire tout pire, je mets dans mes fichiers de partage les photos de ma frangine toute nue en train de prendre son bain. Elle le sait pas encore, mais vu le nombre qui la télécharge, elle sera plus populaire que la nana du nain de jardin. Les derniers logiciels, j'ai le chic pour les télécharger. Pour garnir mon PC, j'ai trouvé le truc, y a les freeware. Mais on ne sait jamais, j'essaye de les trouver craqués. Avec le pire tout pire, c'est facile, j'en fais mon affaire. Je suis le roi du pire tout pire, le vrai hacker de Monoprix. J'ai dans mes relations plein de mecs comme moi, ce sont des potes qui assurent tout son max et qui téléchargent à tout prix. Même ce qui est gratuit juste pour le sport, on s'éclate. Je suis le roi du pire tout pire, j'ai même une collection de virus. J'ai un dossier spécial où je les ai tous rassemblés. À quoi ça va me servir? J'en sais rien, mais ça fait un plus lorsque je les mets en ligne, juste comme ça pour rigoler. J'ai même téléchargé des trucs cochons et je les renomme, histoire de faire en sorte que tout le monde puisse en profiter. Comme ça même les coincés peuvent avoir une poussée d'hormones en regardant Blanche-Neige en version moins édulcorée. Je suis le roi du pire tout pire, le vrai hacker de Monoprix. J'ai dans mes relations plein de mecs comme moi, ce sont des potes qui assurent tout son max et qui téléchargent à tout prix. Même ce qui est gratuit, juste pour le sport, on s'éclate. J'ai tellement de fichiers que j'ai racheté 4 disques durs, mais c'est un peu le bordel au milieu pour m'y retrouver. J'ai mélangé tous mes dossiers, je me fais de l'autocensure. Quand je cherche un truc, j'y passe presque la matinée. Je suis le roi du pire tout pire, le vrai hacker de Monoprix. J'ai dans mes relations plein de mecs comme moi, ce sont des potes qui assurent tout ce max et qui téléchargent à tout prix. Même ce qui est gratuit, juste pour le sport, on s'éclate.